Chapitre 2. 3 mois après, l'abbé était à la Bastille. Une semblable aventure ne pouvait se terminer autrement pour un jeune homme, pauvre et inconnu, qui osait élever une accusation terrible contre une haute et puissante dame. Cet événement que M. Hérault, le lieutenant de police, avait authentiquement constaté l'existence du poison dans les pastilles de la duchesse. Cet événement que Mlle Lecouvreur, qui devait la vie aux révélations de Raucourt, avait fait agir tous ses amis. La famille de Bouillon n'avait pas eu de peine à obtenir du cardinal une lettre de cachet. Qu'était l'innocence d'un petit abbé auprès de l'honneur d'une illustre maison? La Bastille en avait vu bien d'autres. On avait placé le prisonnier dans la chambre que Madame de Staël, la lectrice de la duchesse du Maine, occupait peu auparavant. C'était une grande pièce nue et délabrée, avec des vitres cassées et des murailles blanchies à la chaux. Un méchant lit, deux chaises de forme antique, une petite malle en cuir dans un coin, composaient tout le mobilier. C'était pourtant une des pièces les plus habitables de cette immense et redoutable prison, et Mlle Lecouvreur avait eu besoin de tout son crédit auprès de M. d'Argenson pour que l'on accordât à son protégé, tandis que le grand personnage émissait dans des cachots souterrains. L'abbé, au moment où nous le retrouvons, semblait en proie à une vive anxiété. Il se promenait à grands pas, écoutait les bruits lointains qui se faisaient entendre dans les corridors et se frappait le front avec angoisse quand ces bruits venaient à cesser. Enfin, pourtant, des pas se rapprochèrent de la porte de sa prison et bientôt il entendit une clé grincer dans l'épaisse serrure. « Est-ce vous, mon père ? » demanda-t-il précipitamment. « Non, » répondit une voix de femme. Au même moment, la porte s'ouvrit et une dame entra dans la chambre. Elle n'était plus de la première jeunesse, mais elle n'avait rien perdu de sa fraîcheur et de sa beauté. Quoique d'une petite taille, elle avait une tournure majestueuse et un air de douceur répandu sur sa physionomie prévenait en sa faveur. « C'est vous, ma protectrice, mon ange tutélaire, » dit l'abbé en la conduisant vers une chaise. « Oui, mon ami, c'est moi. C'est Adrienne Lecouvreur, celle-là qui vous avait sauvé la vie. Je n'ai fait que remplir un devoir d'honnête homme, mademoiselle. »« L'abbé, répondit Mlle Lecouvreur avec tristesse. Il y a plus de mérite que vous ne pensez à remplir ce devoir au temps où nous vivons. Mais parlons de vos affaires. Eh bien, mademoiselle, mon père a-t-il enfin obtenu du cardinal la faveur que je sollicite d'être jugé? Me sera-t-il permis de soutenir mon accusation au grand jour? Ah, mon pauvre Raucourt, répondit l'actrice. Comme tout irait bien mieux si vous vouliez vous rétracter, mademoiselle. Est-ce vous qui pouvez me le proposer, vous qui savez de quelle preuve accablante nous pouvons nous armer contre la coupable? Vous êtes trop fougueux, l'abbé. La solitude a exalté vos idées. Voyons, causons plus tranquillement. Et dites-moi franchement si un semblable procès ne serait pas un scandale immense, et si vous croyez que le roi le permette jamais. Serait-ce donc la première fois, dit l'abbé, avec une chaleur toujours croissante, qu'une grande dame paraîtrait devant un tribunal? Madame de Brinvilliers, Madame de Soissons, était-elle donc de si mince noblesse? Y a-t-il déjà si longtemps qu'une autre duchesse de Bouillon était forcée de comparaître devant messieurs de l'arsenal pour une affaire de poison comme aujourd'hui? Eh, mademoiselle, qu'importe le scandale quand il s'agit de la justice. Mais votre sûreté, l'abbé, votre sûreté est la mienne, puisqu'il faut que je mette aussi ma vie dans la balance. Qui nous en répondra? Qui nous mettra à l'abri des vengeances de cette famille si nous la poussons à bout? Pour vous, mademoiselle, vous n'avez plus rien à craindre. Vous êtes sous les yeux du monde. Votre vie est publique, et aujourd'hui que mes accusations ont retenti partout, on ne pourrait vous atteindre sans soulever une clameur universelle à laquelle la justice du roi ne résisterait pas. Vos adversaires le savent bien, et leur intérêt maintenant est que vos jours soient respectés. Quant à moi, je n'ai aucune valeur. Qu'on me mette un bâillon sur la bouche et tout sera dit. Qu'on me fasse disparaître sans bruit, qui s'inquiétera de moi? Je n'ignore pas tout cela, et vous voyez que je n'en suis pas effrayé. Ne dites pas que vous êtes sans amis et sans protecteur, ingrat, et sans parler de moi, qui vous doit tant de reconnaissance, n'avez-vous pas votre père, qui sollicite en ce moment auprès du cardinal? Mon père, mademoiselle, est un petit gentilhomme de province, étranger aux manières de la cour et des antichambres, et quel que soit mon sort, il ne peut rester longtemps ici. D'ailleurs, j'acceptais volontairement les conséquences de ma conduite passée, et aujourd'hui je ne veux pas me reconnaître pour un calomniateur, ni attacher à mon nom une flétrissure qui ne lui est pas due. Est-ce vous, mademoiselle, qui pouvez m'en blâmer? L'actrice garda un moment le silence, mais une larme d'admiration brilla dans ses yeux. Ainsi donc, l'abbé, votre dernier mot ? Je ne me rétracterai pas, répondit l'abbé avec fermeté. À peine il achevait ces paroles que la porte s'ouvrit de nouveau, et son père, le chevalier de Raucourt, entra dans la chambre. C'était un vieillard raide et froid, avec une grande perruque à la Louis XIV, un habit de coupe antique, une longue rapière, enfin un véritable type campagnard de vieille souche. Il fit d'abord une grande salutation à l'actrice et montra à son fils un papier qu'il tenait à la main. « Vous êtes libre, monsieur, » dit-il gravement. « Monseigneur le cardinal vient de signer cet ordre d'élargissement. Seulement j'ai promis pour vous que jamais vous ne prononceriez un mot sur cette affaire. » « Je ne puis accepter non plus cette condition, » s'écria l'abbé avec véhémence. « Je ne veux pas de grâce. Si je suis coupable, qu'on me condamne. Si je suis innocent, pourquoi m'empêcher de dire la vérité ?»« Mais vous êtes véritablement fou, l'abbé !» dit mademoiselle le couvreur. « Vous n'êtes pas de votre temps. Pourquoi ce sentiment exagéré de justice ? Vous voulez donc qu'on fasse de vous un martyr ? Je vous en supplie, Raucourt, au nom du service que vous m'avez rendu, acceptez votre grâce. Achetez-la par le silence. Voulez-vous me laisser à jamais le regret d'avoir été la cause de votre malheur ? Et moi, je vous ordonne, monsieur, de respecter la promesse que j'ai faite en votre nom, ajouta sévèrement le père. Il est probable que les prières de mademoiselle le couvreur eurent plus d'effet que l'autorité paternelle. Quoi qu'il en fût, l'abbé ne résista plus. Eh bien donc, dit-il avec tristesse, je me tairai, puisque ma voix ne peut parvenir à des juges. Bien parlé, s'écria l'actrice avec joie. Et maintenant, sauvons-nous vite d'ici. L'air qu'on y respire est plus pernicieux que toutes les pastilles du monde. Chevalier, je dispose de vous et de votre étourdi. Je vous mène dîner chez moi. Aucune porte ne résista devant l'ordre du cardinal. Les grilles s'ouvrirent lentement et comme un regret pour laisser passer le prisonnier. Les gardes lui jetaient des regards soupçonneux. Au fond des longues et obscures galeries, on apercevait des figures sinistres qui se rembrunissaient encore à voir sortir ces trois personnes. Toute la vieille Bastille semblait gémir comme la bête féroce à qui l'on ravit sa proie. Enfin, quand ils furent dans l'avant-cour où les attendait un carrosse, l'abbé se tourna vers le triste et noir édifice et murmura avec amertume « Quand donc viendra le jour de la justice ?»« Voilà des idées qui ne feraient pas fortune ici, » dit mademoiselle le couvreur en montant en voiture. « Vous avez besoin de changer d'air, l'abbé, et je vais m'en occuper au plus tôt. Si vous aimez tant la philosophie, vous allez trouver chez moi à qui parler. » On arriva chez la comédienne dans la rue Guénégaud. En ce moment, on chargeait un magnifique mobilier sur des fourgons qui étaient à la porte. « Les vilains !» dit gaiement mademoiselle le couvreur. « Ne pouvait-il pas choisir le moment où j'étais absente afin de m'épargner cet embarras ?»« Ces meubles sont à vous ?» demanda l'abbé. « Ils étaient à moi, » répondit-elle avec simplicité. Mais le comte Maurice, qui est là-bas à batailler en Courlande, a eu besoin de 40 000 livres, et il a bien fallu les lui envoyer. L'abbé se tut, mais il la regarda avec enthousiasme. On arriva à un tout petit salon dans lequel étaient quelques personnes de la société ordinaire de l'actrice. On y voyait le marquis d'Argental, son ami le plus dévoué, et plusieurs acteurs de la comédie française. Parmi les femmes, Madame de Parabère, Madame du Châtelet, qui n'écrivait pas encore sur la physique newtonienne, et se contentait du rôle de personne aimable. Mademoiselle Lamotte, et enfin cette demoiselle Duclos, qui fut la rivale de la Lecouvreur dans le genre tragique et la surpassa dans la comédie. Tout le monde se leva à la fois pour accueillir les nouveaux venus, et les félicitations plurent de toutes parts à la vue de l'abbé. « De par Monseigneur le cardinal, » dit mademoiselle Lecouvreur en plaisantant, « défense d'appeler l'abbé Raucourt mon sauveur, sous peine de haute trahison. » L'abbé, dit-elle en se tournant vers lui, je vous présente tous mes amis qui sont maintenant les vôtres. D'Argental tendit cordialement la main à Raucourt, les autres étrangers l'imitèrent. L'abbé serait-il blâmable, dit l'un d'eux en continuant une discussion commencée, si, pour conserver son droit d'existence, il avait obéi à la duchesse? Je crois, Platon dit quelque part, Aristote pense, eh, messieurs, « Laissons-la, Aristote et Platon, pour aujourd'hui, » interrompit la maîtresse du logis. « Louons notre ami de sa générosité et ne nous occupons pas de ses droits. » On en était alors, comme on le voit, à ce moment curieux dans l'histoire de la conversation au XVIIIe, où le vieil esprit français du madrigal cédait le pas à la philosophie des encyclopédistes. La pédanterie gagnait la société polie. Non plus la pédanterie de l'esprit, mais la pédanterie de la science. Les précieuses disparaissaient pour faire place aux bas bleus. Les petites coteries de femmes à la mode devenaient des cercles académiques. C'était surtout dans le salon de Mademoiselle Lecouvreur, où se montrait souvent Voltaire, que cette tendance commençait à se manifester. Grâce à l'interruption de l'actrice, la conversation prit une tournure moins savante, et bientôt les étrangers se retirèrent tous, excepté d'Argental, qu'on retint à dîner. Le repas fut assez gai. L'abbé avait retrouvé toute sa légèreté, toute son insouciance. On oublie si vite à 25 ans. Son père avait déposé un peu de sa raideur, et prouvait qu'au fond de sa province, dans sa petite gentilhommière, il devait être bon compagnon. Mademoiselle Lecouvreur seule laissait percer à travers ses saillies une sorte d'inquiétude. « Dites-moi, l'abbé, demanda-t-elle enfin, avez-vous une vocation bien décidée pour le petit Collet ?» L'abbé ne répondit pas et regarda son père. « Il est vrai, dit celui-ci, que j'ai eu besoin de toute mon autorité pour l'obliger à embrasser les ordres. Avant de songer à lui, il fallait songer à l'aîné, qui doit être le chef, le soutien, l'honneur de la famille. « Et l'aîné est peut-être un imbécile et un malhonnête homme, » dit d'Argental à l'oreille de Mademoiselle Lecouvreur. « Taisez-vous, philosophe, » répondit-elle tout haut. « Voltaire vous gâte avec ses idées nouvelles. Eh bien, l'abbé, si vous le voulez bien, je vous enverrai en Courlande près du comte de Saxe. Quand il saura ce que vous avez fait pour moi, il deviendra votre ami le plus sincère. Vous serez ainsi à l'abri de toutes les entreprises de nos ennemis, et j'espère vous voir bientôt revenir à la tête d'un beau régiment pour servir de garde d'honneur à ce cher Maurice. « Merci, merci, ma bienfaitrice !» s'écria l'abbé, fou de joie. « Mais il est déjà tard. D'Argental, vous allez reconduire ces messieurs dans votre carrosse jusqu'à votre hôtel, après quoi vous reviendrez. Je vais vous entretenir de choses importantes. » Le chevalier et son fils prirent congé. Quand D'Argenteuil revint, il trouva Mademoiselle Lecouvreur plongée dans une profonde mélancolie. « Eh bien, Drienne, demanda-t-il, qu'avez-vous à me dire ?»« D'Argental, je veux faire mon testament. »